À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, Travin, secrétaire du comité de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, a lancé le 29 septembre un entretien. Il y a exprimé sa certitude que le Parti du Travail de Corée, qui brille sous le nom auguste du président Kim Il-sung et de Son Excellence Monsieur Kim Jong-il, guidera le peuple coréen sur la voie de la victoire et de la gloire sous la direction de Son Excellence Monsieur Kim Jong-un.